Pour le choix thérapeutique, pas le choix sémiologique, c'est clair. Je vais passer donc sur certains diapos que vous n'aurez pas à prendre dans ce cours. Ah, ça va. Je vous demanderai de suivre beaucoup plus cette partie. Donc il y a des notions qui vont être très simples, donc c'est historique. C'est bien. D'accord ? Comme ça. Il y a plus de 120 ans qu'on a commencé à s'occuper du traitement de l'hypertension. Mais avant les traitements chimiques, il y avait plusieurs traitements, autres, dont on connaît une méthode classique. Je dis. Non. Légèrement. La saignée, qui est en mode. Donc, la première, c'était la saignée qui était, mais elle n'était pas appliquée à l'époque, c'était beaucoup plus des pharaons qui utilisaient, mais qui utilisaient des bêtes, des sangsues. Pour permettre, ce n'est pas avec la technique qu'on utilise, ça c'est la première méthode. Par la suite, il y a l'électrothérapie, ou ce qu'on appelle donc des bains de courant de haute fréquence, qui permettaient donc de décharger les malades de certains ions, et surtout donc les ions sodium, qui permettaient donc la sortie d'ions sodium de faire un peu une sortie hydrique. Parce que c'est le principe un peu, à l'heure actuelle, du traitement avec les diurétiques. C'est la sortie du sodium qui suffit un peu. Donc, il y a la radiothérapie, beaucoup plus, parce qu'on pensait beaucoup plus que l'hypertension était en relation avec les glandes, avec toutes les pathologies surrénales, et que le fait, ça c'était des mauvais diagnostics, ça, et qu'il y a une part de vérité. D'accord ? Il y a une part de vérité. Alors, donc, certains des malades, où le dysfonctionnement, ou certaines tumeurs des glandes surrénales entraînent donc une augmentation totale de la tension. Il y a les décharges, ce qu'on appelle maintenant communément des régimes, parce qu'on ne peut pas faire un traitement de l'hypertension sans régime. C'est un échec. D'accord ? Et on parle, hein, c'est pas très établi, mais dans certains pays, aux États-Unis, dans certains, je dirais, certains États aux États-Unis, certains d'autres parce qu'ils ont au moins une liberté, sur le plan aussi bien juridique que médical, que chacun. Bonjour. Sur moi, d'abord, votre 10, je quitte à combat. Non. Non, moi, je te le fais tout seul. Je Ah. C'était hier. Hier, on s'est... Vous êtes défoulé. Ah oui. Ah. Hier, aujourd'hui. J'espère qu'il n'y aura rien de... Ah, de Mackenzie. Ah, demain, on va prendre ça. Ah. Nous vous dédions ces mieux. Il y a donc aux États-Unis un système de ce qu'on appelle la sympathectomie lombaire. Donc, on coupe en cisaille par... système chirurgical, mais beaucoup plus avec du laser, bilatéral, parfois, au niveau de tout ce qui contrôle les glandes médulo-surrénales et qui permettent de rétablir la tension. Ça marche pas, d'accord ? Il y a à boire et à manger, ça c'est les différentes techniques, autres que les techniques pharmacologiques, c'est-à-dire autres que la thérapie médicamenteuse concernant donc, le traitement de l'hypertension. On définit quoi ? Je pense que vous l'avez déjà vu. Vous connaissez la définition d'hypertension. Elle se dit de la force élastique appliquée sur le contenu sanguin par les parois artérielles. Elle se fait en deux temps. Il y a la pression artérielle systolique et il y a la diastolique. Je ne comprends rien. Maintenant, les consensus de l'hypertension, elles sont variables. D'accord ? Il faut faire attention quand vous traitez l'hypertension. Il ne faudrait pas vous référer, j'insiste, à tout ce qui existe. Bon, l'OMS nous donne des chiffres, mais moi, je vous conseille de compter un peu sur votre expérience. Parce que vous verrez souvent qu'il y a des sujets qui sont normaux hypotendus, qui ont une tension qui est basse, mais qui est normale. Et il y a des sujets normaux hypertendus, qui ont toujours des 15, etc., qui se portent bien. Et ce n'est pas la peine de vous amuser à rétablir ce qui est normal chez eux. D'accord ? Comme il y a des sujets qui font des bradycardies qui sont normales. Donc, ils font des 72 battements et qui se portent très bien. Sans pour autant avoir... Alors, on ne peut pas considérer ça comme étant un phénomène bradycardisant ou un tel caractère. Généralement, les tensions limites sont de 14,9, 16 pour certains modérés, donc on peut aller jusqu'à 16. Mais tout dépend de l'âge, c'est des chiffres. Mais tout dépend de l'âge aussi. Même parfois, on parle à l'heure actuelle, tout dépend des régions. D'accord ? Des gens qui vivent des grandes villes, vous pouvez tolérer des tensions qui peuvent aller même jusqu'à maintenant, donc une limite jusqu'à 15. Surtout sur des sujets. Quand vous avez un sujet, une personne qui a 80 ans, qui a plus de 75 ans, si vous avez un 15-9, dites-vous que c'est bon. C'est pas la peine d'essayer de lui faire rabaisser parce que, à cet âge-là, le fait de faire trop baisser la tension, un 12 devient néfaste chez cette personne. Parce que ça va donner des extrasystèmes. Et là, c'est mauvais parce que vous allez fatiguer encore plus le cœur. Ça, c'est des mauvaises choses. Donc, essayez de revoir. On va dans l'état du contexte. Mais généralement, on parle d'une HTA sévère quand vous avez donc carrément 1-17, un peu au-delà de 17 de tension. Là, on commence à dire que vraiment, surtout donc, même à la diastolique qui dépasse 10,5-11, on est dans un cadre carrément pathologique. Des relations, donc il y a un système de régulation. Je pense que on vous a déjà parlé d'eux. Donc la pression va dépendre du débit cardiaque et des résistances périphériques. Donc il y a deux. Il y a le côté cardiaque et le côté vasculaire. Souvent, dans certains cas, le fait de régler le dysfonctionnement cardiaque, vous pouvez rétablir la tension. Et c'est pour cela que vous verrez qu'on peut donner certains médicaments qui sont cardio-sélectifs. D'accord ? Ça a plus d'impact de donner un médicament parce que vous allez voir que dans le choix, il est bien parfois on peut aller à la monothérapie. Et ça peut donner de très bons résultats avec un régime, en choisissant une seule molécule à très faible dose et tout rentre dans l'ordre. Parce que si parfois vous voulez donner des médicaments trop forts dans le cas d'hypertension, eh bien vous allez perturber carrément entre le système hémodynamique et le système nerveux autonome, qui va entraîner des décharges de catécholamines. Et ça, c'est très mauvais par la suite, parce qu'il va y avoir un dysfonctionnement entre l'acétylcholine, la dopamine, la noradrénaline, et surtout, quand on parle d'un sujet âgé, et je reviens toujours malheureusement, à la femme enceinte. D'accord ? Et ça peut poser beaucoup de problèmes. Donc l'augmentation de la pression peut être provoquée par une hypertonie carrément sympathique. Donc il faudrait voir à peu près les choses. Et c'est pour cela que vous allez voir à peu près les recommandations de l'OMS. Parce que l'OMS recommande. Il y a également le système maintenant des nouvelles molécules, ce qu'on appelle les SRAA, le système renin-angiotensine-aldostérone. Donc on a les inhibiteurs, c'est des nouvelles molécules, ce qu'on appelle les anti-SRAA. Mais il faudrait également ne pas oublier que parfois, il y a des facteurs qui sont plus gros. Il ne faut pas les écarter, parce que ce sont des antidiurétiques qui peuvent également provoquer soit des perturbations du système de vasodilatation. Avec tout ce système de régulation qui fonctionne, vous constatez qu'il y a le cœur, le système nerveux autonome, des facteurs hormonaux ou des facteurs humoraux. Maintenant, vous avez un sujet. Quels sont les facteurs de risque ? Généralement, on peut sortir du contexte, mais généralement, chez l'homme, au-dessus de 55 ans, au-delà de 55 ans, la femme, vous constatez qu'elle est moins hypertendue, d'accord, que chez l'homme. Il est détendu à l'autre d'art. Quand ça partit de 55, il faut qu'il patiente. Il fait son pic 10 ans avant elle. D'accord ? Donc c'est à 65 ans. Un autre facteur qui est prépondérant, qui cause beaucoup de problèmes, c'est le tabagisme. C'est l'obésité. Tabac, obésité, diabète. On va le voir. Tout ce qui est dysfonctionnement, parce que vous constatez très souvent, chose que c'est une pathologie qui n'existait pas avant. Surtout dans les gens qui habitent la campagne. Vous verrez également certaines régions. Par exemple, il est un peu aberrant, c'est pas si. Les gens qui habitent en bord de mer, d'accord ? Surtout, je ne parle pas des grandes villes, je ne peux pas donner l'exemple d'Annaba, qui est une grande ville, même si. Donc tout ce qui est grande ville, c'est stress. Mais quand vous prenez par exemple des gens qui habitent des petites villes en bord de mer, vous les trouverez beaucoup plus calmes. C'est beaucoup plus calme. Si vous prenez également les gens qui habitent la montagne, les gens qui habitent Mila, ville, ou la Mila qui habite la montagne, vous trouverez des gens, même des sujets âgés, et qui n'ont pas la tension. C'est rare qu'il y ait un dos un peu LDL, HDL, et toutes les problématiques tensionnelles, vous ne les trouverez pas. Alors, chose qui sont très souvent. Faites également je stoppe l'activité physique, j'en ai toujours parlé. Pourquoi? Parce que ça aide, rappelez-vous, le métabolisme et l'élimination. Ça diminue les interactions. Hein, quand on n'avait pas parlé, le sédentarisme. Eh bien, vous verrez, souvent les gens qui habitent la montagne, ce sont des gens qui bougent, qui arrivent, qui arrivent à arrêter, qui métabolisent mieux. Et d'autant plus que tous ces facteurs-là, ces deux facteurs de risque diminuent. D'accord ? D'autant plus qu'ils sont moins stressés, qu'ils ont une alimentation plus naturelle. Hein, quand essayez de demander à votre grand-père, généralement le soir, ce qu'il mange, c'est quelque chose de léger. Là, généralement, quand on met un bâche à la je ne parle pas de votre père. Quand on met un chouche, d'accord, ou le braqué, un truc, il n'est pas content. Et quand vous lui donnez ça, chose que j'ai apprise à Constantine, ici, c'est quand on dit quelqu'un oui, je t'achète Sharba Beda, il dit allez, camarade. Parce que Sharba Beda, c'est pour les malades. Ou là, alors, quand tu dis que c'est un bouillon de légumes, ah, c'est encore pire. Là, c'est grave, Wushmik. On va manger un bouillon de légumes, ce truc, alors, c'est un régime. D'autant plus que, avec le temps, chez nous, c'est une mauvaise habitude, on ne marche pas beaucoup. Et on est très. Des fois, je vois des confrères à l'hôpital. La biochimie, la génie, quoi, c'est ton objectif. Je me dis, claque, pas. Ça tue. Parce qu'ils n'arrivent pas. Ada, c'est des médecins. Je dis bien. Alors, on parlait des gens, maintenant, les gens bougent moins. Par contre, dans les petites villes, les gens bougent plus. Alors, dans le truc, on n'arrive pas si on ne prend pas un bus, si on ne prend pas un taxi, etc. Et faites également attention aux antécédents. Il y a également des pathologies endocriniennes, donc tout ce qui est sous-jacent, pathologie rénale, des maladies inflammatoires, et là on va revenir à un point très important, tout ce qui est thérapeutique, parce qu'un bon nom, ce qu'on appelle les iatrogènes, tout ce qui est médicaments peuvent donner, et les intoxications, certaines intoxications à certains éléments. Je vous ai donné quelque chose que vous connaissez tous, la réglisse. Vous savez ce que c'est la réglisse ? Hein ? On appelle généralement, à l'époque, on appelait ça coucou. Non. Soit ça existe en bâton, à l'état naturel, soit c'est des trucs en bonbon noir, truc, ça donne. Mais le problème n'est pas beaucoup chez nous, c'est beaucoup plus en. Pourquoi je dis en France ? Parce qu'en France, ils prennent ce qu'on appelle les boissons. Et donc, il y a la bière, et il y a les boissons alcoolisées, et beaucoup de boissons alcoolisées sont à base de réglisse. Sont à base d'anis. Non, mais ce qu'on mange, on mange indirectement la réglisse, c'est le habit halawa. Beaucoup de trucs, ça contient des anis. Bisbès. On a fait un peu le composé de réglisse. D'accord ? Bisbès. Si. Oui, je sais plus. Et il y a carrément, chose qu'on voit en retard, c'est tout l'effet tératogène induit directement ou indirectement, c'est des malformations qu'on ne voit pas chez l'enfant initialement, qui se développent avec, donc, après l'enfant prénatal et qui par la suite développe des souffles ou le souffle carrément, parce que initialement il n'est pas perceptible et quand il a à peine, c'est-à-dire, il ne faut pas s'étonner de voir un sujet qui a 20 ans, le coup qui a de l'hypertension. Ça, c'est dû initialement à une malformation. Les étiologies, toujours, il y a quelque chose auquel on ne s'attend pas. C'est les gens qui ronflent. Les ronfleurs. Et les ronfleurs sont assujettis à l'hypertension. C'est ce qu'on les appelle, ils font des apnées du sommeil. D'accord ? Les gens qui ronflent beaucoup, donc est assujetti. Et j'ai dit qu'il y a des facteurs. Il y a l'alcoolique. Et il y a les autres facteurs. J'ai les estimés. D'accord ? C'est le désordre alimentaire. Là, c'est la fréquence la plus élevée. Chez nous, pourquoi un truc ? Parce qu'on mange de façon anarchique, on mange à tout moment, et on mange tout ce qui fait chut. Et ce que vous adorez en plus, la nouvelle génération, que là, on ne faisait pas beaucoup, vous savez pas ce que c'est chut. C'est le maqli, le mechoui, le ham. D'accord, il y a le zanigou, il y a le zanigou, il y a le fou, le zanigou. Ça passe pas. Yachim. Ce que j'ai vu, parce que je le vois avec mes enfants, à table, la première des choses, La salière. Vous salez. Vous salez beaucoup. Je parle de la majorité mange. Voilà, quand je vois faire les fast-food, là, quand truc, hein, ça sent un truc et on mange. Vous êtes une génération à manger beaucoup de salé. Beaucoup de sucré aussi. C'est les extrêmes. D'accord. Et là, ça donne également un aperçu sur l'hypertension. Il en existe deux, c'est défini par l'OMS. Il y a l'hypertension essentielle et l'hypertension secondaire. L'hypertension essentielle représente 95% des cas. D'accord. Elle repose quoi? Sur carrément différentes. Elle peut être légère. Cardiogénique, j'en ai parlé beaucoup plus pour des jeunes, dans le cadre d'une information carrément. Elle peut être neurogénique, c'est une hyperactivité. Elle peut être également d'origine rénale, soit d'origine vasculaire, et c'est pour ça qu'il y a un paramètre qui est très bien, mais qu'on dose pas en Algérie de façon générale, c'est l'endothéline. L'endothéline également est un paramètre, est un précurseur indicateur du dépôt et de l'état de nos vaisseaux. C'est ce paramètre qui peut vous donner un peu l'âge de vos vaisseaux. Hein, d'accord, ça malheureusement. Et également, on observe beaucoup chez des sujets qui sont très mal équilibrés, hein, les diabétiques très mal équilibrés, qui par la suite développent une résistance à l'insuline. C'est-à-dire que l'insuline ne répond plus correctement. On augmente les doses et on voit que c'est un diabétique qui est très mal équilibré. Par contre, les 7% de cas, hein, qu'on voit et qu'on peut, parce qu'on peut traiter très facilement, c'est l'iatrogène qui est d'origine médicamenteuse, alimentaire, qui est de manière bivasculaire, donc de toute information, pathologie surrénalienne ou d'une hyperthyroïdie. Donc, c'est des choses qu'on peut diagnostiquer facilement, mais qu'on peut également traiter très facilement. Dans le cas du diagnostic, la plupart du temps, l'HTA est asymptomatique. Très souvent, on se rend compte, c'est comme pour le diabète. Les sujets se rendent compte une année, parfois, une année après, de leur diabète. Dans le même cas, chez l'hypertendu. Donc les signes, c'est carrément, c'est des céphalées, c'est des vertiges, des troubles de l'audition, des palpitations et des dyspnées. Ce sont des signes qui peuvent être synonyme de fatigue. D'accord? Pour la mesurer, on vous l'a déjà appris, je pense, mais ce qui est très très important, je l'ai mis en rouge, vous le constaterez très souvent, c'est le syndrome de la blouse blanche. Ça, très souvent, les sujets ne vont rien, ne développent rien du tout, et puis d'un seul coup, hein, il vous le dit déjà la veille ou d'ailleurs, dès que vous voyez, et il prend sa tension, vous constatez qu'il fait du 15 et quelques, du 16, alors qu'il avait l'habitude d'avoir 13. Et ça, c'est très, très courant et très fréquent. On le voit souvent. Donc, il faudrait toujours, pour vous assurer, avant d'aborder le traitement, c'est de demander à votre malade de prendre sa tension dehors, de changer d'endroit, de la prendre dans une polyclinique, chez le pharmacien, de revenir chez vous, et de la prendre plusieurs fois, de la prendre au moins deux fois par jour, et de la prendre, par exemple, un jour sur deux. Et à ce moment-là, vous avez une moyenne que vous pouvez donc établir et prendre votre décision. Ça, c'est les recommandations de l'OMS. Également, toujours, je continue dans les recommandations de l'OMS. Elle se fait en trois étapes. La première étape, c'est de la monothérapie. Il faut toujours commencer par la monothérapie, soit les bêta-bloquants, et alors il y a toute une panoplie. Il y a les bêta-bloquants, les diurétiques, les inhibiteurs cathiques, les antagonistes, hein, aussi bien de l'angiotensine 1 et 2. D'accord. Il y a la bithérapie. Et donc, la bithérapie va dépendre de la monothérapie. Vous allez commencer avec quoi? Et là, on constate facilement que si vous commencez par les diurétiques, vous avez le choix, l'éventail est large. Vous pouvez faire plusieurs choix. Mais si vous commencez par les bêta-bloquants, eh ben, vous n'avez qu'un seul choix, c'est les angiotensines. Ou bien les inhibiteurs calciques. Le choix est limité quand on commence avec les bêta-bloquants. Pourquoi? Parce qu'on est censé, quand on a pris les bêta-bloquants, on a choisi des molécules puissantes et efficaces. D'accord? Et là, vous ne pouvez pas aller au-delà. D'accord? Si vous devez régler, c'est de régler un problème carrément en amont, avec les inhibiteurs calciques, c'est-à-dire au niveau cardiaque, pour régler, ou là les inhibiteurs de l'angiotensine, c'est-à-dire un peu régler les perturbations au niveau rénal, c'est là le dysfonctionnement. Généralement, l'étape 3, c'est conservé pour les gens qui sont recalcitrants. Et la trithérapie, hein, franchement, c'est des sujets soit hyper stressés, soit ce sont des sujets qui sont mal équilibrés sur le plan de régime alimentaire. Donc ce sont les éléments. Le meilleur choix, c'est de faire de la monothérapie avec carrément un régime alimentaire et du sport. On va avoir par la suite une hygiène de vie, chose qui n'est pas toujours aisée. On va voir certaines classes thérapeutiques. D'accord ? Là, je pense que tout ce que je vous ai dit, c'est un peu de l'historique. Il n'y a pas grand-chose, sauf qu'on avait parlé donc, de prise tensionnelle, et que si vous devez commencer toujours sur le plan de recommandation de l'ONS, tenir compte, s'il vous plaît, du terrain sous-jacent, c'est-à-dire les étiologies peuvent beaucoup vous aider. Parfois, le fait de supprimer l'étiologie, vous avez 50% de guérison de l'hypertension. Ça, c'est un problème que vous devez déjà connaître et maîtriser. Sinon, ça ne sert à rien. Si vous donnez n'importe quel traitement, et si l'étiologie initiale n'est pas prise en charge, c'est un échec thérapeutique. Vous allez augmenter des doses, vous allez faire des associations, c'est pas un bon choix. Les diurétiques. D'accord ? Il y a les diurétiques osmotiques. D'accord ? Dans les diurétiques osmotiques, il te fait un mot. Regardez. C'est des molécules, ce que je vous demande essentiellement chaque fois, à travers les classes, c'est de retenir le mode d'action, le site, et un peu les effets secondaires qu'ils peuvent induire. Là, le mannitol. Le mannitol agit au niveau du tubule proximal. C'est une molécule qui est ni filtrée, ni réabsorbée. Qui est filtrée, non réabsorbée. Le mannitol, ol, c'est un sucre. C'est un sucre qui est proche des alcools. Parce que généralement, ol, c'est une fonction alcool. Donc c'est une molécule sucre-alcool qui est synonyme d'une molécule qui est hydrosoluble. Si elle est hydrosoluble, d'accord, est-ce qu'elle peut être administrée que par... Est-ce qu'elle peut être administrée par voie orale? Non, parce qu'elle ne peut pas être résorbée. Donc elle est administrée uniquement par voie parentérale. Elle est injectable, donc c'est une forme comme... La concentration sodique diminue dans les urines et elle diminue le pouvoir de réabsorption. Qu'est-ce qu'elle fait? Que fait sur le plan de mode d'action de cette molécule? Je vais le résumer. Tout ça, c'est du charabia. Ça va être plus simple à retenir. C'est un sucre. Quand on le donne, c'est une molécule. Si vous prenez un verre d'eau, et vous mettez 3 ou 4 cuillères de sucre. Vous avez indiqué, vous avez ça, vous mettez un trait. Vous avez cette quantité d'eau. Vous versez 4 cuillères de sucre. Le niveau d'eau va augmenter ou la diminuer? Ne change pas. Augmenter. Les deux réponses sont fausses. Non, vous mettez 4. Faites-le comme expérience. Ça va diminuer. Pourquoi? Parce que les sucres absorbent les molécules d'eau. En se dissolvant, les sucres sont hydrosolubles. Ils vont retenir les molécules d'eau. Donc il y a une absorption, et c'est pour ça que vous allez constater, naturellement, on fait quelque chose, ne vous amusez pas à remplir une caisse, comme un tir au fond d'art, j'ai horreur avec le truc, même les enfants, il y a un mal qui casse là, oui, bravo, t'es effrayé. Ça, c'est une histoire de pression. D'accord? Non, vous mettez à peu près dans un demi-verre, vous marquez et versez, vous solubilisez, vous laissez décanter, vous allez voir que le niveau d'eau a légèrement diminué parce que c'est un sucre et le sucre étant hydrosoluble, il va retenir. Quel est le principe de cette expérience? Comment on avait? Quand on donne cette molécule par voie injectable, c'est une molécule qui est filtrée, qui n'est pas réabsorbée. Donc qu'est-ce qu'elle va faire au niveau du tubule? Elle va retenir des molécules d'eau. C'est-à-dire, à un certain moment, il va y avoir réabsorption de sodium sans passage d'eau. L'eau va être retenue. Au niveau de l'anse de Henle, au niveau de l'anse de Halley, il y a passage de l'eau, parce que l'anse de Halley, la branche ascendante de l'anse de Halley est imperméable à l'eau. D'accord ? Donc il y a encore une réabsorption de sodium sans passage d'eau. Donc on aura une rétention d'eau qui arrivera au niveau du tube distal. Qu'est-ce qui se passe ? Il y aura une diminution du pouvoir de réabsorption. Pourquoi ? Parce qu'on aura réabsorbé beaucoup de sodium, mais pas assez d'eau. Donc il n'y aura pas. Donc la DH va avoir un pouvoir limité parce qu'on aura déjà beaucoup de sodium au niveau plasmatique. Qu'est-ce qui se passe ? Toute cette masse d'eau, donc, puisque l'activité de l'aldostérone sera faible, on aura toujours rétention d'eau. Au niveau du tube collecteur, il va y avoir une masse d'eau très importante qui va arriver. Qui va quoi ? Au niveau du tube collecteur, on a une enzyme. La DH. Et la DH ne pourra pas réabsorber toute la quantité d'eau. Et c'est pour cela qu'on dit qu'il y aura une diurèse osmotique, qui va diarrhée osmotique. Donc il y aura une quantité d'eau qui va venir de telle sorte qu'elle est très importante. D'accord ? Mais est-ce que vous devez... Le mécanisme est clair ? Est-ce qu'il est clair ? Le tube distal, au niveau de l'aldostérone. La DH ne pourra pas beaucoup fonctionner. Pourquoi ? Parce que initialement, au niveau du tube proximal et au niveau de l'anse de Halley, il y a eu une réabsorption de sodium sans réabsorption d'eau. On est bien d'accord ? Donc au niveau de l'activité de l'enzyme, elle serait au ralenti parce qu'il y a eu déjà la quantité de sodium réabsorbée. S'il y avait beaucoup, parce qu'à l'âge, il n'y aura pas beaucoup d'activité, parce que la quantité de sodium au niveau de la masse d'eau, on aura une dilution. La quantité d'eau par rapport au sodium, la quantité de sodium par rapport à la masse d'eau est faible. Donc automatiquement, il n'y aura pas une réabsorption, hein, ce qu'on appelle une dilution, une fausse dilution. D'accord ? Donc, il n'y aura pas une réabsorption. Donc, la DH ne va pas fonctionner. Donc, si elle avait fonctionné, il y aura réabsorption de sodium avec sortie d'eau. On est bien d'accord. Mais elle ne se fera pas. Ou là, se fera de façon très ralentie. Diminution du pouvoir de réabsorption. Cette masse qui va arriver au niveau du tube collecteur va dépasser le pouvoir. Là, l'enzyme antidiurétique peut activer. Mais elle ne pourra pas parce que la masse d'eau, comme si, je vous donne l'exemple, vous avez ouvert un robinet, et à un certain moment, vous fermez, vous pliez le robinet, on bat tout le temps. La puissance, la force, de telle sorte, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, tout va sortir. La majorité va sortir. Il y aura une réabsorption, mais elle sera faible par rapport au pouvoir de réabsorption de l'ADH. On est bien d'accord ? Et c'est pour cela qu'on dit que ça a un effet diurétique, ou c'est un effet diurétique osmotique. On est bien d'accord ? Le mécanisme est clair ? Conclusion. Il y a deux molécules, mannitol et sorbitol, mais les deux molécules ne sont pas utilisées dans le traitement de l'hypertension. Parce que ça n'a rien à voir. Vous ne diminuez pas le rôle de l'hypertension ou le rôle des médicaments de l'hypertension. Concernant les diurétiques, c'est une fuite de sodium, c'est une sortie de sodium suivie d'eau. Et là, la sortie de sodium ne se fait pas toujours avec l'eau, et ce n'est pas un médicament utilisé dans le traitement de l'hypertension. Et parce que je m'adresse aux gens qui sont au fond, qui ne nous écoutent pas, qui dorment. Qui après la sémio, qui danse. Donc ce n'est pas une molécule. Mais vous verrez, ce sont des médicaments qui existent. On peut les utiliser, mais pas dans un but du traitement de l'hypertension. On les appelle diurétiques. Je suis obligé de les classer là-dedans. C'est des diurétiques. Mais ce n'est pas des médicaments utilisés dans le traitement de l'hypertension. Ce sont des médicaments que vous verrez, qui peuvent permettre, dans le cas des intoxications, voilà, pour favoriser l'élimination de certaines drogues, certains médicaments. Ça, c'est le but de principe. Mais si vous allez en pharmacie et vous demandez le sorbitol, il vous le donne. Il existe sous forme de sachets. C'est des sachets, c'est des boîtes jaunes, c'est des sachets, c'est des granulés. On les mélange dans de l'eau et on les prend par voie orale. Il les prend pour les trucs, non ? Pour les problèmes respiratoires ? Non. Non, plus exactement. Intestinal. Très bien, intestinal. Pourquoi? Pour aucun. Accélérer le transit. Très bien. Tout simplement pour les gens qui sont présentent des constipations. Pour qu'est-ce qui se le sorbitol va retenir l'eau. Au lieu d'avoir des selles dures, vous avez des selles moelleuses qui permettent une évacuation. C'est la diarrhée osmotique. C'est une forme de diarrhée, c'est le même principe. C'est pas la diarrhée osmotique n'est vue que suite aux infections, aux intoxications alimentaires ou autres. C'est ce qu'on appelle quelqu'un qui fait une intoxication alimentaire, il a une diarrhée osmotique. Là, c'est presque le même phénomène, mais il a été exploité dans un but thérapeutique. La même chose, le mannitol, c'est pas un médicament, c'est un médicament à usage hospitalier, quand on parle beaucoup plus par voie parentérale, mais on peut le donner à un malade pour le prendre la veille, par voie orale. C'est des flacons, c'est des petits flacons de 50 ml. On le demande dans quel but? Pour l'exploration. Très bien, quand on veut faire les endoscopies. Par voie basse, il les prend, comme ça, pour vider tous les intestins, pour s'il y a donc à explorer, donc l'exploration se fera de façon plus vite. Il est beaucoup plus efficace que le sorbitol. Le sorbitol est beaucoup plus donné dans un but de traitement ambulatoire. Le mannitol à usage hospitalier. C'est clair? Molécule de choix. Dans le traitement de l'hypertension, c'est les salidiurétiques. Les salidiurétiques, et là, vous allez me suivre. Regardez, c'est également un peu du charabia, mais je vous demande de bien, parce que c'est là où je profite quand on est avec la bien, paradana, fasna chouya kawa ou makarot. On a gardé le chambre de kawa, on a kuro ou wahna. On situe. L'action est tubulaire, distale. L'action est au niveau du tube distal. Le temps de latence, deuxième mot-clé, c'est un médicament qui a un temps de latence long, de 2 à 8 heures. En d'autres termes, 2 points. Et long. En d'autres termes, c'est pas. Il faut du temps pour voir l'efficacité. En d'autres termes, c'est pas un médicament. D'urgence. Parce que vous allez voir qu'il y a des maladies d'urgence. C'est pas mal. C'est le traitement de fond de l'hypertension. Et il n'est pas donné dans l'urgence de part, 100 ans de demi-vie qui est plus ou moins là. Le mécanisme d'action, il a une particularité. Son mécanisme d'action est auto-limitant. Auto-limitant, c'est-à-dire qu'il se contrôle. Il a une action, c'est comme si quelqu'un qui accélère et qui freine en même temps. En quoi se résume cet effet auto-limitant? Il a un effet de quoi? Son action permet tout simplement, au niveau du tube distal, d'accord, d'inhiber ou de favoriser carrément la sortie du sodium. Et la sortie du sodium est suivie de sortie d'eau et de ce fait résorber les œdèmes. Mais lui, il a, en plus de ça, son effet, il a un effet vasoconstricteur au niveau des glomérules. En provoquant une vasoconstriction au niveau du glomérule, il va diminuer quoi? Le débit. Donc le débit de filtration, la sortie d'eau va être limitée. Et de plus, que il est contrôlé, ce système dépend de la quantité de sodium. Quand il y a une déplétion, quand il y a une fuite sodique très importante, il y a un feedback négatif, c'est-à-dire qu'il y aura l'activité de l'aldostérone qui va faire la pompe inverse. Donc c'est pour cela qu'on dit qu'il est auto-limitant. Il a une action au niveau distal où il va activer la sortie par le système de pompe, d'accord, de sodium. Et la sortie de sodium est suivie d'eau. Ça c'est le but principal. C'est l'effet, le site, le lieu, le mode d'action principal des salines diurétiques, d'accord. Mais c'est un médicament qui a la particularité d'être auto-limitant, c'est-à-dire c'est un médicament qui s'auto-indirectement contrôle parce qu'il a une action au niveau distal, mais également il a une action au niveau glomérulaire. Et de ce fait, s'il y a une sortie trop accrue, en supposant, je dis bien, j'écarte toute cette partie. Et je vais dire que c'est un médicament qui a une action intense sur la fuite de sodium. Quel est le premier risque qui va se développer ? Déshydratation. Les effets secondaires, il entraîne une déshydratation, une hyponatrémie parielle de dilution. C'est ce que je vous ai dit dans votre truc. C'est une hyponatrémie de dilution, pas une hyponatrémie réelle, parce que le volume d'eau retenu par rapport au sodium, et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Ce qui est grave, c'est qu'il y a une hypocalémie. Pourquoi ? Parce que le système, l'hyperaldostéronisme, qu'est-ce qu'il va tant qu'il va y avoir carrément l'entrée de sodium, il faut une bonne gode, de la sortie, donc rentrée de sodium et fuite de potassium, et on aura une hypocalémie. Il y aura une alcalose hypochlorémique. Pourquoi l'hypochlorémie ? Parce qu'il y a une rétention des bicarbonates et il y a l'entrée de chlore. Et ce sont des médicaments qui ont un effet diabétogène. J'ai mis en rouge ce qui est important. Heureusement, s'il n'y avait pas ça, eh ben, si on aurait donné ce médicament sans effet autolimitant, on aurait quoi ? Déshydratation avec arrêt cardiaque. Le fait d'être autolimitant est une bonne chose pour ce médicament. On est bien d'accord sur le mode d'action ? Le fait de favoriser une vasoconstriction au niveau des glomérules. Donc vous allez diminuer quoi ? Le débit de filtration. Donc la quantité du volume qui doit être filtré avant d'arriver, donc, vous êtes au niveau de la capsule de Bovin. Donc la quantité, donc, vous aurez très peu d'eau qui va arriver au niveau du tube distal. Donc comme si vous avez un robinet ouvert à fond, vous fermez un peu le robinet. Vous diminuez la sortie d'eau. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? C'est une forme, c'est l'effet, c'est un effet latéral, mais qui est bénéfique. On peut considérer ça comme effet secondaire, mais qui est bénéfique. Monsieur, donc l'effet vasoconstricteur est lié à l'effet autolimitant. Oui, c'est lui. C'est lui, c'est l'effet autolimitant. C'est lui qui permet. On est bien d'accord ? C'est clair ou pas ? Sûr ? On peut continuer ? Tu parles quel mécanisme l'effet diabétogène ? On va être beaucoup plus quand on fera le diabète. C'est comme les corticoïdes, ils sont considérés comme diabétogènes. On en parlera quand on fera le diabète. Ça, c'est le risque pour quoi vous allez voir. Maintenant, je peux vous poser la question. On peut parler des. Parce que vers la fin du cours. On parlera du choix d'un hypotenseur en fonction du terrain sous-jacent. Vous aurez à répondre à trois. Il y a des médicaments qui sont contre-indiqués, il y a des médicaments indiqués, et il y a des médicaments indiqués sous surveillance. Dans ce cas, avec les saliques diurétiques, est-ce que vous pensez que c'est des médicaments qui sont contre-indiqués, indiqués ou indiqués sous surveillance ? Contre-indiqués chez les diabétiques. Vous êtes d'accord avec votre camarade ? Vous parlez d'un sujet normal, pas d'un diabétique. D'un diabétique. Ils sont diabétogènes, s'ils peuvent, mais on parle d'un diabétique. Ils sont contre-indiqués ? Non, pas obligatoirement. Ils ont un effet diabétogène, c'est-à-dire qu'ils vont provoquer une perturbation, d'accord, du diabète ou de l'équilibre chez ce malade. Mais tout simplement, on peut le prescrire sous surveillance. Qu'est-ce qu'on fait, généralement ? Puisqu'on sait qu'ils sont diabétogènes. On va faire quoi ? Surveillance de la glycémie. Non, qu'est-ce qu'on fait ? De prime abord, vous savez que vous donnez, vous avez un sujet diabétique. Donc, et vous devez le traiter. Vous savez qu'il y a un risque. On fait une insulinothérapie. Très bien, on fait un réajustement de la posologie des antidiabétiques. Tout simplement. C'est vrai, qu'est-ce que vous faites ? Comme c'est un traitement, tout ce que vous allez faire initialement, je suis d'accord avec vous, on en parlera dans le traitement du diabète, vous n'allez pas le faire systématiquement au départ. Vous avez 3 mois de traitement, vous faites l'hémoglobine glycée, vous faites donc ça un peu, et vous verrez. Si le malade, c'est ce que j'ai commencé le cours comme ça, ne vous amusez pas à faire des applications copier-coller. Si votre malade est équilibré et que son hémoglobine est glycée et normale, c'est-à-dire que le traitement de son diabète est bon, et que le traitement de sa tension est bien régulé. Pourquoi vous cassez les méninges ? Gardez, si vous trouvez que son hémoglobine glycée est perturbée, vous êtes de droit. Mais je ne suis pas d'accord. Vous faites un réajustement du traitement du diabète et non de l'hypertension. Vous ne pouvez pas diminuer les hypotenseurs. Par contre, vous pouvez augmenter les hypoglycémiens. Parce que donc, ils augmentent, ils ont un effet diabétogène. Je vais pallier à cet effet diabétogène. S'il apparaît, on est bien d'accord ? Sur ? Les deuxièmes diurétiques que vous connaissez tous, de la Zilix. Furosémide, qu'on appelle le diurétique de Lance. Il agit au niveau de Lance, vous voyez ? Il permet donc d'augmenter la sécrétion ou l'excrétion du carbonate. Son délai d'action est rapide, d'accord ? Mais il peut même agir à faible débit de filtration. C'est ce qu'on appelle une molécule un peu d'urgence. C'est cette particule-là. Il a une spécificité. Il agit alors que les salis diurétiques, retenez, si vous avez un malade qui a quoi ? On ne peut pas lui donner. Il faut faire très attention. Les salis diurétiques entraînent indirectement une vasoconstriction glomérulaire. C'est-à-dire qu'il y a une diminution du débit de filtration. Donc, je vraiment d'année, je change d'image. Donc, je peux avoir un cas de figure, lequel ? Quel cas de figure ? Un sujet, un malade. Oui ? Très bien, un insuffisant rénal. Un insuffisant rénal, c'est j'ai un sujet qui me dit déjà un problème de clairance à la créatine. J'ai un débit de filtration diminué. Si je sais que ce médicament va déjà me diminuer indirectement, donc il va me compliquer. Donc, ce n'est pas une molécule de choix dans ce cas. D'accord. Alors que le Lasilix peut être une molécule de choix. Parce que c'est une molécule qui a un délai d'action rapide, on peut le prescrire dans l'urgence et qui peut même agir à faible pour certains sujets qui ont des problèmes de rein, de filtration ou d'élimination ou qui ont une clairance à la créatinine élevée, on peut donner sans risque. Alors que le fait de le donner chez, de donner les salis diurétiques chez un malade qui a une clairance à la créatinine, une mauvaise créatinine qui présente un débit de filtration faible, eh ben, le fait d'être auto-limitant va me compliquer encore ce malade ou la pathologie de ce malade. Est-ce qu'on est bien d'accord ? Est-ce que c'est clair ? J'ai dit la phrase, je leur ai dit, ils sont efficaces mais pas obligatoirement plus puissants. Ils sont moins puissants que les salés diurétiques, mais ils sont plus efficaces. Efficaces dans quoi ? Dans l'urgence et dans l'insuffisance rénale. Malheureusement, ils n'ont pas de phénomène autolimitant. En d'autres termes, c'est un médicament qui va avoir des effets secondaires exagérés. Donc, voilà. Donc les effets secondaires sont identiques, ils peuvent être dangereux. Donc en fin de compte, si on doit donner ce type de molécules, il faut les donner à court terme, palliatif, à court terme, dans l'urgence, mais ce n'est pas des molécules à donner dans le traitement d'entretien. Sauf dans des cas particuliers. On va en voir, les voir ultérieurement quand on parlera de choix. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Les diurétiques d'épargne potassique. Ils portent leur nom. D'épargne. Épargne. En d'autres termes, ce sont quoi ? Ce sont des médicaments, ce sont des diurétiques qui vont provoquer quoi ? Très bien. Une hypercalémie. Ce sont des médicaments, cette classe thérapeutique est généralement prescrite en association. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de la donner en monothérapie. Pourquoi ? Parce qu'elle a un pouvoir diurétique très faible. Elle a un pouvoir diurétique très faible. Ce sont des médicaments généralement qui, comme la spironolactone, qu'on appelle aldactone, qui est un anti-aldostérone, soit ce sont des inhibiteurs de la pompe de sécrétion qui marquent l'amylorine, l'AMLOR. Donc, il y a deux types de médicaments, deux types de sites, ceux qui inhibent l'aldostérone, soit ceux qui inhibent la sécrétion, c'est-à-dire qu'ils agissent soit sur une enzyme, soit sur une pompe. de casser l'œil. Et de ce fait, ils ont une action qui est faible. Vous ne pouvez, je ne cesse de vous répéter chaque fois, de vous dire que vous ne pouvez pas, quel que soit le choix d'une molécule, on ne peut pas donner un médicament qui va bloquer toute l'aldostérone. Pourquoi ? Dès qu'on bloque l'aldostérone, l'organisme va synthétiser d'autres. Donc, leur pouvoir, et c'est de ce fait, on ne peut pas les donner en monothérapie. Ils sont ni efficaces, ni puissants. Mais de ce fait, pourquoi on utilise cette classe ? J'ai dit en association. Pour corriger l'effet de... Très bien, on les donne avec les salis diurétiques. Avec, vous avez une synergie additive d'un effet donc, diurétique. Parce qu'ils ont, même s'ils ont un effet diurétique, il est faible. Mais même s'il est de 2, c'est plus 2, toujours. On est bien d'accord ? Et ils ont un effet antagoniste sur l'effet secondaire. Il a un effet hypocalinant, l'autre il a un effet hyper, plus et moins, ça annule les effets. On est bien d'accord ? Donc, c'est des médicaments qui sont utilisés pour pallier aux effets secondaires des salines diurétiques, mais également, ils ont un double impact, un effet synergique additif et un effet antagoniste sur les effets secondaires. Synergie additive sur l'effet primaire et antagoniste sur l'effet secondaire. On est bien d'accord ? Les bêta-bloquants. Si on prend les bêta-bloquants, c'est une histoire un peu bizarre. Parce que généralement, j'ai dit que les bêta-adrénergiques entraînaient une vasodilatation. Pas sur les récepteurs alpha, sur les récepteurs bêta. Les récepteurs bêta stimulants entraînent une bronchodilatation. Sur les vaisseaux, ça entraîne également une vasodilatation. Donc bloquer les récepteurs bêta est synonyme d'une vasoconstriction. Donc c'est faux. On ne peut pas donner un médicament vasoconstricteur pour traiter l'hypertension. Parce que la vasoconstriction va aggraver l'hypertension. On est d'accord ou pas ? Donc, en fin de compte, il n'y a pas de vasoconstriction. Il est dit que les bêta-bloquants ont une double action. Ils ont une action cardiaque par diminution, puisque les bêta-adrénergiques entraînent une tachycardie. Donc, les bêta-bloquants vont entraîner une bradycardie, une baisse du débit cardiaque. Et cette baisse du débit cardiaque est compensé par une augmentation des résistances périphériques. Une compensation. Il y a une action cardiaque. Et il y a également une diminution du travail du cœur, donc une diminution, puisqu'il y a une diminution de la consommation d'oxygène, puisqu'il y a une bradycardie. Donc il y a une diminution de la consommation en oxygène. Bradycardie bloque également un blocage du système de la rénine. Angiotensine, aldostérone. Diminution de la volémie et de ce fait, une diminution de la vasoconstriction. Et il y a également, indirectement, que jusqu'à présent on n'arrive pas à comprendre par les bêta-bloquants, il y a une réduction des résistances artérielles. Comment se fait cette diminution des résistances ? Tout ce qui est la première partie cardiaque et vasculaire est expliqué, tout ce qui se situe au niveau des artérioles, les grosses, n'est pas expliqué. Voilà comment se fait à peu près le mécanisme des bêta-bloquants, de façon indirecte, en commençant par l'action sur le cœur et la répercussion sur les vaisseaux. On est bien d'accord ? Le mode d'action. Des bêta-bloquants, il y a une panoplie, je pense, que sur le marché, il y a une soixantaine, sinon plus. 60 bêta-bloquants. D'accord ? Et ils se différencient entre eux par trois éléments, qui vont vous permettre de choisir, en fin de cours, est-ce que vous allez choisir, selon les critères, l'un ou l'autre, ou l'un par rapport à l'autre. Il y a ce qu'on appelle une activité intrinsèques. Certains bêta-bloquants ont une activité spécifique sur le cœur, mais là, j'avais dit que les bêta-bloquants avaient une activité antagoniste sur le cœur. Donc ils entraînaient une tachycardie. Mais certains bêta-bloquants ont une activité bêta-agoniste partielle. C'est-à-dire qu'ils ont une action plutôt tachycardisante. Ce n'est pas une tachycardie réelle. En fait, qu'est-ce qui se passe? Normalement, restez logique. Ce n'est pas de la forme que je vous demande d'être logique avec vous. Normalement, certains bêta-bloquants sur le cœur ont un effet bradycardisant. Certains, normalement c'est un moins. Mais certains bêta-bloquants, indirectement, entraînent un effet agoniste. Partiel. C'est-à-dire qu'on aura une légère tachycardie. C'est-à-dire qu'on aura plus. On a des moins, mais quelques plus. Ces plus vont stabiliser quoi? La fonction cardiaque. Et à ce moment-là, imaginez que vous avez un sujet qui a une pathologie cardiaque. Est-ce que vous allez lui donner un médicament, un bêta-bloquant, avec activité intrinsèque ou sans activité intrinsèque? Avec une activité intrinsèque. Avec. La bradycardie va le tuer. Voilà. Si vous donnez un insuffisant cardiaque qui a déjà une hypertension, si ce malade, si vous lui choisissez un bêta-bloquant sans activité intrinsèque, sans, c'est-à-dire que indirectement comme effet secondaire, ça va être une bradycardie. Déjà, lui, il souffre d'une insuffisance cardiaque. Vous allez aggraver sa bradycardie, donc vous aurez à la longue un bloc auriculaire en ventriculaire qui va finir par un arrêt cardiaque. Donc le meilleur choix, c'est de choisir un médicament avec une activité intrinsèque, c'est-à-dire qu'il a une activité agoniste partielle, en d'autres termes, une activité plus ou moins stimulante cardiaque qui peut compenser. C'est un effet secondaire, mais qui est bénéfique dans certains terrains sous-jacents. L'effet stabilisant membranaire, il consiste en une inhibition des échanges ioniques. Atténuer une classe de médicaments qui inhibe. Vous l'atténuez? Quand on inhibe les échanges membranaires au niveau de la peau, c'est quoi? Quelle est la sensation que vous avez? Une molécule qui inhibe les échanges membranaires au niveau de la peau. Et synonyme de quoi? Anesthésie. Merci beaucoup, Atexara. C'est un effet anesthésiant. Vous prenez le formol, vous prenez le truc, n'importe. Les anesthésiants, comme mode d'action principal, c'est inhibition des échanges ioniques. Vous bloquez, il y a perte de la sensation. Et c'est comme ça qu'il y a perte de la sensation de la douleur. C'est l'effet, c'est synonyme d'effet anesthésiant. Mais on revient maintenant, les bêta-bloquants agissent sur le plan vasculaire et sur le cœur. L'effet stabilisant sur le cœur va provoquer quoi? Vous allez provoquer quoi? Plus, mais mieux encore. Vous allez bloquer les échanges sodium, calcium, un arrêt cardiaque. Là, vous êtes fatigué. On est saturé. Je termine et j'arrête. Merci. On est bien d'accord, on arrête. Donc, l'effet stabilisant membranaire est considéré dans ce cas comme étant un effet secondaire indésirable, qu'il faudrait surveiller. Ça, c'est l'effet intrinsèque est un effet qui est latéral, qui peut être exploité en thérapeutique. Les propriétés physico-chimiques, généralement, c'est quoi? Il expliquerait certains effets secondaires et les contre-indications. Les propriétés physico-chimiques, qu'est-ce qui vous intéresserait là-dedans? Je peux mettre cette phrase, je peux mettre un autre mot. Lequel? Parmi les propriétés physico-chimiques, c'est quoi? C'est pas la liposolubilité. Très bien, c'est la liposolubilité ou les sédateurs. Et ceux qui vont vous poser le plus de problèmes, c'est les molécules liposolubles. Pourquoi? C'est les liposolubles. Parce qu'ils ont un large spectre d'action. Donc, ils peuvent vous poser un problème à quel niveau? Hein? hépatique. Merci beaucoup. Donc il faut voir un facteur parce que c'est des médicaments qui ont un temps d'hyposolubilité, un temps de demi-vie lent. Si vous avez une insuffisance hépatique, ils ne vont pas être métabolisés, donc ils vont rester plus longtemps. Ils vont donc provoquer des. Ils vont être ailleurs et être responsables des effets secondaires. Sinon, s'ils sont liposolubles, si ce n'est pas hépatique, c'est quel niveau ? Système nerveux central. Et certains bêta-bloquants sont responsables d'hallucination. Et souvent, chez des malades qui ont de l'hypertension, qui souffrent d'hallucination. On pense que c'est dû à son hyper, il a fait un pic hypertensif. C'est faux. C'est parce que c'est le médicament qui est responsable de cet effet secondaire, et non son pic hypertensif, Virgo Gadichalov. Est-ce que c'est clair? Donc je me résume. Dans le cas donc du cours de l'hypertension, vous avez commencé par la monothérapie. Par la suite, si vous commencez par la monothérapie, les diurétiques peuvent vous présenter plus une largesse de choix avec les autres molécules qu'avec les bêta-bloquants. Les bêta-bloquants vous donnent association les inhibiteurs de calcite ou les inhibiteurs de l'angiotensine. Point. Vous ne pouvez pas associer bêta-bloquants diurétiques. Alors que si vous commencez par les diurétiques, vous pouvez mettre les bêta-bloquants. Première notion. Deuxième notion, quand on a commencé par les diurétiques, il y a les deux principaux, il y a deux classes qui sont utilisées dans l'hypertension. Les diurétiques osmotiques ne sont pas utilisés dans le traitement de l'hypertension. Ce que vous êtes censé retenir, c'est le lieu d'action, généralement soit au niveau distal, soit au niveau de l'anse, de LD, ou au niveau proximal, ça dépend. Mais on constate que les meilleurs sont ceux qui agissent au niveau distal, sauf qu'ils ont la particularité d'avoir un temps de demi-vie long. C'est-à-dire que c'est de bons médicaments d'entretien et non des médicaments d'urgence. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont autolimitants et de ce fait réduisent les effets secondaires qu'on les a déjà cités, contrairement aux diurétiques de l'anse, qui sont plus efficaces, mais pas plus puissants. Pourquoi ? Parce qu'ils agissent même à faible débit de perfusion, même donc pathologie sous-jacente, mais également ils ont un temps de demi-vie très court, donc l'effet est plus rapide. Les diurétiques d'épargne potassique ne sont pas utilisés en monothérapie parce qu'ils agissent en fin de chaîne et de ce fait, ils sont beaucoup plus associés beaucoup plus pour corriger les effets secondaires, antagoniser les effets secondaires et avoir un effet synergique pour l'effet prime. On est bien d'accord ? Quant aux bêta-bloquants, j'expliquais donc, ce sont des molécules qui n'entraînent pas une vasoconstriction mais une action cardiaque qui se répercute sur le plan vasculaire. Ils sont classés, ils peuvent être classés selon leurs propriétés qui vous permettraient de choisir et de faire attention aussi bien aux associations qu'aux effets secondaires. Mais faites attention que l'effet stabilisant est un effet secondaire qu'il faudrait surveiller de très près. L'effet stabilisant parce qu'il est responsable d'un arrêt cardiaque, il est responsable d'un bloc auriculo-ventriculaire. L'effet intrinsèque est un effet latéral bénéfique. On peut associer, vous allez voir, on va voir les exemples par la suite, on peut l'associer même avec d'autres molécules qui peuvent permettre de corriger les effets secondaires ou bien en face d'un terrain sous-jacent. Les effets des propriétés physico-chimiques, en l'occurrence la liposolubilité, vous aideraient à comprendre essentiellement l'association avec d'autres médicaments en cas donc beaucoup plus de déplacement, parce que c'est des médicaments qui ont également à forte liaison protéique, mais également en face de sujets qui auront une insuffisance hépatique, d'accord, ou qui peuvent présenter des effets secondaires que vous pouvez expliquer, d'accord, qui sont pas, parfois vous ne pouvez pas le régler. Si mon malade ne fait que des hallucinations, d'accord, et que j'arrive à stabiliser ça, je peux également donner un calmant sans pour autant changer. Mais faites attention, c'est des médicaments qui tiennent beaucoup parce que rares sont des médicaments qui sont utilisés quand je parle de monothérapie. J'insiste, monothérapie dans la même famille, mais ce sont des médicaments qui sont utilisés avec des pathologies associées, on le verra donc dans les prochains cours, avec le diabète, avec la goutte, avec des tas de choses. Donc rarement, il y a toujours des interactions, et c'est une pathologie qui est chronique, qui nécessite un traitement à long cours. C'est bon ? S'il vous plaît. Dans le cas de l'action intrinsèque, est-ce que l'effet des agonistes partiels, on peut les utiliser comme l'effet bénéfique sur la vasodilatation ? C'est bon ? Bon courage pour demain.